إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تغادي تويلوس والله سبحانه وتعالى قالوا Nouvel an, mais seulement l'eau, celui qui peut permettre nous encore, après quelques temps d'arrêt, pour nous joindre sous la case, pour nous amener un rappel concernant ce dîme. Pour nous joindre sous la case, pour nous amener un rappel concernant ce dîme, chers frères et sœurs, nous disons que ce n'est pas une action qui me pensait. Mais mon habitude de lundi, ça l'est la mola. Ce n'est pas une question d'habitude. Nous disons, c'est une action qui prend place. Haine. Ce n'est pas coïncidence, ce n'est pas l'habitude. Deuxième, pas sous-estime aucune action. La tartariron n'a mis le marouf, pas sous-estime aucune bonne action. Pas penser la cause mon vin et échappe, mais mon père écouter, mais c'est une action normale. Non. Il est possible que cette action-là, devant Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a encore beaucoup plus valeur. Quand hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit et rapporté par Abu Hurairah radiallahu anhu, « La yajma'u qawmin fi baytin min buyutillah, yatluna kitab Allahi wa yatada rasuna baynahum » Il n'y a aucun groupe qui joigne dans un de la case Allah. Je peux lire le livre Allah et je peux étudier le livre entre eux. Illa nazalat alayhim as-sakina. Excepté qu'il y ait une tranquillité descend dans sa groupe du monde. Wa khaffathum al-mala'ika. Ban ange étale sur les ailes aux eux. Wa zakarahum Allah fi ma indahu. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne sa ban du monde avec ban qui auprès de lui. Chers frères et sœurs, imagine-moi, Allah subhanahu wa ta'ala peut citer mon nom avec un ange qui est auprès de lui, chacun parmi nous là. Qui fait, parce qu'il nous donne une place dans sous la case, qu'il faut faire rappel, ben, qui se concerne ce livre. Pas nécessaire pour apprendre. Ce n'est pas nécessaire, mot là, pour m'écouter la première fois. Ah, mon parti connaît ça. Non! Il suffit qu'il m'opère rétablir encore divine comme un rappel, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne mon nom là-dedans. Ou de hadith que tu peux nous connaître, quand sa dimouna est rentré, il me disait un tiken de l'assemblée, quand un ange dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, Bétina un tel là-dedans, il n'y a pas de la cause, ça les sont là. Il n'y a pas de pour apprendre la cause de dîne. Mais seulement l'invine la cause, il se disait un tiken là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tilka julasa la yasqo jalisahoum » Ça va un groupe d'imoun là, ban qui a 6 ans, je ne peux pas dire ça. Veut dire même un d'imoun n'y rentrer là, il y a un qui ken là, il n'y a pas de l'oiseau qu'on a. Il y a même récompense qui ban qui est intéressé pour connaître qui le prophète il dit concernant ce dîme. Il y a pareil. Qui fait? Parce qu'il a cause à groupe d'imoun là, ban qui fréquente Dieu, je ne peux pas dire ça. Ban qui fréquente ce groupe-là, je ne pas perdu. Mais ban qui ne vinit la cause, ça, je dis. Ban qui ne vinit, quand il arrive, ça l'est à Zanécha là, il finit mettre dans sa l'état d'esprit-là, je connais mon père Écha, je vous écoute parole Allah. Mon père pour écouter parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, ban-là, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, qui quand nous sortons nous la case, on reste des man pardon pour nous, qu'à qui nous retourner. Quand c'est nous capables de fatiguer là, chers frères et sœurs, jusqu'à qui nous tourne la clé de la peau, ange encore peut demander pardon pour moi là. Qui m'a besoin plus que ça là? Qui m'a besoin plus que ça? Moi, imagine-moi, ange peut demander pardon pour moi. Dis, qui va aller moi, devant Allah cette action-là? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Hatta al-haytana fil bahr » dit quand même ça va un poisson qui est dans la mer là, je peux demander pardon pour celui qui quitte sur la case, pas ici seulement, pas ici, pas dans l'indice. De n'importe qui place avec n'importe qui, ça n'a de n'importe qui moment, comme on peut faire cette action-là, c'est quand même poisson de la mer, peut demander Allah pardon pour moi. Juste pour moi comprendre, chers frères et sœurs, mais comme on peut venir de bonne place pareille, qui va aller là devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous continuons, nous laissons, quand nous peut dire qu'au fait, nous peut trouver une petite chose, les contraires de ce qui va nous faire. Les contraires qui nous peut dire. Nous vous trouvons pour une bonne conférence, pour une bonne telle petite chose, comment nous protège l'environnement, comment nous protège telle petite chose, comment nous livrer, quand tu protéger où? C'est bon. Mais seulement les restes qui donne nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il met un principe. Qui principe? C'est que tout petite chose qu'il finit mettre, il finit créer avec un laps de temps, un délai, des bizarres. Terminé. Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Qamar, quand il peut faire avec nous, mais dit clair que chaque petite chose qu'il est fin créé, khalaqanahu bi qadar, il est fin créé avec un qadar, un laps de temps, ça, une quantité de temps. Il est fin créé comme ça. De ce principe, Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, il n'est pas amené une petite chose qui l'insan arrive à comprendre. Nous disons bien, dans ce principe, ça. L'impossible de mettre dans ce principe, il fait une action qui, comme vous guettez, ne pas arriver à comprendre. Mais c'est moi, c'est le principal, là. Il fait aller. Et là, quelque chose, vous trouvez, oui, une logique là-dedans. Mais pas nécessaire tout quelque chose dans la logique, hein? Pas nécessaire tout quelque chose dans la logique. Quand nous disons, il y a lui, Moussa, les salam, son maman, vini, tape la porte. Lui dit, moi, comme ça, pharaon, père, tout garçon, foutouillé, mon gars, un baba garçon, qui est capable de faire? Aide-moi, mon conseil tout seul. Moi, tu vous trappes ce garçon, quand moi tu peux aller? Pharaon dans l'Est, moi dans l'Ouest. Parce qu'il verra tous en robe touillée. Ça, nous, tu penses ça. Qu'est-ce que tu penses comme ça? Plus grand intelligent, plus grand savant qui est là, mais tu vous penses dans sa direction-là, parce qu'il nous faisait sauver avec quelque chose qui nous perd. Mais seulement, principe Allah, quand il y a nous comme ça, paye Allah. Est-ce qu'il nous sauve avec lui ou bien nous rapproche avec lui? C'est la différence, là. C'est bien nous comme ça, nous payons du fait. Nous restons avec lui, oui non. Mais quand on dit nous payons Allah, nous restons avec lui ou bien nous rapprochons avec lui. Quel principe Allah? Tant qu'on plie payer lui, ou vous plie rapprocher avec lui, oui non. Nous plie rapprocher avec lui. Pareil comme ça même. Allah subhanahu wa ta'ala fait lui une façon qui lui fait Moussa alayhi salam grandir comme ça. Devant Pharaon. Devant lui. Il donne manger pour tout. C'est le principe Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on est capable de trouver le monde là, d'évoluer, et dans une technologie que tu peux trouver incroyable ça. Il est capable incroyable dans une technologie là. Mais il reste qui? Allah subhanahu wa ta'ala, il met un principe pour arriver un jour qu'on a besoin de cela faire. Les mondes ont besoin de cela faire. Quand il y était, combien de délais restait, ça il va trouver dans nous la main. Mais ça qui nous connaît, Allah subhanahu wa ta'ala, il met un signe. Une fois que ce bâtiment-là paraît devant nous, chers frères et sœurs, attendent qu'il puisse arriver. Pour aujourd'hui, Inch'Allah, nous pouvons dévoiler. Un, nous pouvons trois parmi les derniers signes qui est là avec nous, le bâtiment qui nous appelle, bâtiment qui nous fanait de la société. Mais plus précisément, le dernier là, bâtiment de choses qui au fait, nous sommes capables de trouver bien loin. Nous sommes capables de trouver drôle. Nous disons bien, nous sommes capables de trouver drôle. Ou bien ça, même nous pensons. Ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Et ensuite, Inch'Allah, deuxième volet, c'est, nous vous prenons une introduction pour aujourd'hui, la phase finale. Qui nous veut dire phase finale? Veut dire que pour arriver à une action directe, quand nous annonçons à Dimouna, quand nous trouvons à Dimouna, quand nous disons à Dimouna, c'est faire fitna, quand nous disons à Dimouna, fin mot, etc. Qu'on veut dire, la jour qu'Yama, les plis pris en cours. Sans aucun doute, chers frères et sœurs, Bismillah, nous commençons les. C'est, Quand nous guettons le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il finit amène un umma. Dans cette umma-là, il finit montrer, il finit la guerre, il finit commence par. Qui ça n'a pas vu, nous pas connu, qui à l'entour des Kaaba, tient à 360 idoles. Parmi les petites choses que ce prophète-là fait, c'est qu'il écrase à une idole-là. Alhamdulillah. Qui fait, il retourne tout vers l'unicité Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bien, il fait sa croyance, qui font partie de ce umma-là, quitte sa bonne action-là, retourne vers la ilaha illallah, adosis Allah. Sa prophète qui commence de sa façon-là, lui dit à nous, jour qui a ma parfois arrivé, hatta takunu min ummati man ya'budul awthan. Aussi longtemps qu'il te trouve dans mon umma, veut dire du monde la côte poétique. Les points indiens, les points chrétiens, les points non-musulmans, non. Les pour son nom pour Muhammad, son nom pour Aïcha, son nom, les points d'abord non comme ça. Mais seulement action qu'il est pour faire, chers frères et sœurs, qu'il est pour faire, les pour ado idole. Est-ce que vous avez reçu vision ça là? Imaginez-nous, son nom Muhammad, il est là bas, il met ce hijab, mais seulement il fait ado, qui ça n'a? Ado idole. L'ipé ado ban dimoun ki mo kaba. Tout ça drôle. Mais seulement à certains niveaux de nos jours, en a pour trouver, mais n'est pas si tant ça drôle là, c'est-à-dire. Parce qu'en a qui fait trouble la raison pour dire, pour amener preuve à l'appui, ben, mon pouvisin ado li, mon pe demande li, à travers li qui mon pe rapproche. Avec Allah. Mais sa parole-là, Allah subhanahu wa ta'ala finit enregistrer dans Surah Zumar. Quand vous dites à eux, mais qui fait te faire ado, l'autre apporte Allah, Allah subhanahu wa ta'ala donne nous réponse que je vous dis. Je vous dis, nous ne pas faire ado, mais nous faire servir pour rapprocher avec Allah. Réponse finit mentionnée dans le Coran, 1435 ans de cela. Ou vous demandez à mais qui fait te faire des manoli? Moi, je vais des manoli, moi. Moi, je vais vous demander Allah pour moi. Quelle différence tu fais? Quelle différence tu fais? Moi, je suis moi, mais je suis servi pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la raison, chers frères et sœurs, si ce prophète-là, dans ce début de ce dawa, quand il invite vers l'unicité d'Allah, première chose qu'il fait, il crase idole. Juste pour moi le comprendre, mais si ça parmi ma première action, comment se fait-il ça retourne d'ordinalos? Comment se fait-il ça retourne d'ordinal? Mais seulement moi nous pouvons dire qu'il y soit pour un celui qui ne réussit comprend que ça y était, ou bien faudrait lui venir au clair quand on trouve ça qui est dans la barbe là, lui peut faire chichda devant un kabbal, lui peut demander un kabbal, faudrait on trouve ça, mais être sûr qu'il reçoit sallallahu alayhi wa sallam fini près d'y aller pour arriver dans ça. Dans sa umma-là. Deuxième, chers frères et sœurs, et ça, au fait, premier qui nous cite là, quand nous venons dire, nous capables de trouver loin, et Nali, il faut arriver. Deuxième, là, encore, nous capables de trouver plus loin encore, mais seulement, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lila. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala de la création, il fait amené, qui apporte une sainte, ben les autres créatures, ils ont causé entre eux. Ils ont causé. Ils ont une communication entre eux. Oui, communication-là, elle passe de bandine, de bien qualité, fourmi, de cause fourmi. Les chiens-là, ils causent avec les chiens, comme aller, ça, pour cause ça, il y a les mêmes comme ça. Mais seulement, jamais, on trouve un chien qui cause avec un sac. Les vins plus drôles encore, quand on trouve. Les animaux causent avec une femme. Parce que de nos jours, nous qui causons avec les animaux. Vous trouvez appel ce oiseau pour les vieilles sur la case là, ils comprennent, ils connaissent, ils comprennent rien à lire. Parce que ça principe là, comment vous dire, moi, je comprends. Comment vous dire, moi, l'IP comprend. Parce qu'il est inhabité, en tant que matin, nous l'avons, il costait. Pareil comme ça même. Quand vous pouvez rentrer, vous trouvez ça comme ça, vous avez fait, quelquefois, il vient bien normal, parce qu'il est habitué à ça. Parce qu'il n'y a pas de principe, Allah subhanahu wa ta'ala, de création, pour lui mettre communication en des djinns différents. Veut-dire qu'il soit insan, quand on peut dire les animaux, c'est déterminé. Si pas la race lion, la race lichien, la bande d'animaux comme ça, mais Allah subhanahu wa ta'ala, de ce principe, il ne peut pas mettre communication en sabana. Il ne peut pas mettre communication entre eux. C'est pour ça, parfois, quand on lit la gazette, on trouve un dompté, ce lion, une agresse-lui. Il m'en dit ou bien tu lis, mais non, il est drôle là-dedans. Mais ce don, comme étant il y a livre, ça met une communication entre ça. Ça met une communication entre eux. Moi, ouvrez la gazette, je trouve ça, mais dis-nous au moins ça. Parce qu'Allah ne crée toi pour cause aux autres. Toi, tu peux coller à cause, tu peux faire, il fait deux, trois acoustiques dans l'air, il peut comprendre, il peut écouter toi. Attention, je veux que tu mal comprends. Dès là, nous trouvons pas une sagesse qui Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait permettre de soigner ça et non pas les chiens. Parce que ça, plus gros que vous pensez, les venez, c'est quoi? Mais si Dordin, tu permets de nous soigner des chiens, chers frères et sœurs, tu veux la compétition là-dedans, oui, non? Qui gros, c'est les chiens où tu trouvais devant la couleur, là? Qui gros que mon display? Mais je vous dis, raconte-moi seulement. Chers frères et sœurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de hadith qui trouve de Sahih Muslim, de son introduction même, il y a mené, il fait nous connaître qui tient à un berger. Tient à un berger, il peut aller avec son mouton. Et un berger, quand il peut aller avec son mouton, alors il y a qui tient un chien. Qui fait? La pratique, c'est comme ça, si un allait, rappelle-lui, ou bien si le loup vient attaquer. Le chien là, il est là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous l'est, qui s'ajoute là, elle les loue et s'il prend un mouton là-dedans. Il prend lui. Il n'est pas attaqué en place, il prend lui. Mouton là, il amène lui avec lui. Berger trouve l'action, il galoupe les vignes. Berger. Ça les loue là. Pour les sauver ce mouton. Ce qu'elle est trop normal. Mais, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, comment il arrive comme ça, le loulin, parole, lui dire, l'ila fait que ça n'avait retourné là. Nous continuons à dire ça. Ramatta ila rizqi razaqnihi Allah azza wa jal. Intazakt anhu minni. Tu peux reprendre un risque qui a l'air fait halal pour moi. Tu peux tirer ça au moins là. Mais qu'est-ce qu'il me dit à l'autre? Bah, elle est allée pour sauver ce mouton. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, l'idiel, fakol, tu peux tirer un risque qui a l'air fait halal pour moi. Tu peux enlever ça avec moi là. Mais qu'est-ce qu'il me dit à l'autre? Mais non, aucun doute, mouton. Les loups là. Ni mouton là. Ni sa personne là. Chers frères et sœurs, être sûr qu'il ne va pas faire pour qu'il sommeil, mais seulement ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça les loups l'a causé chez là. C'est lui qui a adressé avec ça, bien j'ai là de sa façon. Et si nous gâtons vraiment, manger la halal pour lui, parce qu'il y a l'un fait se manger comme ça. Lui. Allah subhanahu wa ta'ala fait faire se manger comme ça. Faqal al-radul, à ce qui Michel a causé, t'Allah. Inni ra'aytuka al-yawma dhi'man yatakallam li sauver li dire par Allah me trouve un loup et cause en moi quand nous aider croli bad abriti et n'a de quoi seulement et n'a de quoi on trouve un loup cause avec vous c'est tout mais non a'jabu min hadha rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître et plus drôle là-dedans les loups là retournent avec lui j'ai lu comme ça. Tu peux trouver drôle mon causé. Veut dire, nous peut comprendre qu'il depuis parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça les loups là qu'on peut causer, il pas mémoriser, comment dire, un perroquet là, lui. Il peut causer face, situation là, comment elle dit. Il pas nous dire deux, trois paroles pendant 10 ans, c'est mon perroquet causé. Qui lui dit? Mais par exemple, c'est Dieu de la case. Il peut pas nous prendre pareil. Parce que ça, les loups-là, ils peuvent causer aux situations qui n'arrivaient là. Les dieux te peuvent trouver drôle, mon causé. Mais comment ils peuvent drôle qui en des montagnes, et n'a une personne là-bas, peut dire l'histoire qui est arrivée dans le passé. Au fait, ça, les loulas, sa situation-là, il arrive quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu marques et sa baïla, tu donnes l'autre endroit. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vivant. Les loulas disent, mais pourquoi tu trouves ça drôle? En Dimoun, dans en l'époque, pas c'était là. À cela, Waldo Mufti Gogoul, où tu as tout qui se l'est passé, il dit où? Nous fait cause, 400 ans de cela, en Dimoun peut raconter des milliers d'années de cela qui ne passaient. L'époque Nour alayhi salam, Adam et Sam quand descendent la terre sur les garçons, l'époque, il peut raconter tout ça. Il dit, mais ça te va trop drôle? Les loulas qui expliquent ça là. Mais dire, il connaît dans sa prophète là, oui non? Il connaît dans sa prophète là, cher frère. Michel là trouve ça plus drôle encore. Qu'il y fait? Il y a les. Il y a le rôle de Dimoun là. Mais dire, il y a le rôle de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. فجاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره لفين دو مكه après quelques semaines لي دي كسانسا بنا montrer le prophète lui raconte le prophète صلى الله عليه وسلم quelque chose là normal tu vas sahaba qui là pourquoi pas je vais tant là parce que c'est le début yako dans mekka là yako dans mekka le prophète صلى الله عليه وسلم فصدقه il dit que c'est vrai. Le prophète dit à sa dimoun là, sa bergi là fait cause? Fait cause vraie. Qui se dit fait cause vraie? Qui s'allait lui là, une cause avec? Avec lui. Chef frère, à partir de là qu'il vient Zakina. Tout ma colle. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, innaha amaratun min amarati bayna yadayhi sara. C'est parmi ban sin qiyamata. Quand? Ban sibar. Sibar, c'est quoi, chef frère? Il y a canine, il y a canine. Et il y a parmi les animaux qui sont canine, lion, tigre, ça va être animaux de ça, quelque chose là, hadith clair qui nous pas gagné droit à manger. Nous pas gagné droit à manger ça. Une question vini, qui fait ou pas manger lion? Ah, il est mauvais. C'est ça qui dit ça. C'est ça qui dit qu'il est mauvais, ça qui dit là. La cause du mauvais ou pas manger, mais non, non, rien, qui dit ça. Mais non, rien, qui dit ça. C'est pas une preuve, ça. Qui fait ou pas mon lion, ou pas mon tigre, parce que ces bons animaux de nos dînes qui reconnaissent une canine par devant. Le fait qu'il y ait une canine, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il met les clairs, nous pas gagnons droit à mon bons animaux qui n'a canine avec qui n'a zone. Avec qui n'a zone. Quelqu'un qui m'a dit poule. Poule pas comporte là-dedans. Poule comporte de ban volaille, veut dire ban qui ont volé. Donc ils rentrent dans la catégorie oiseaux, et oiseaux nous gagneront à manger. Nous voyons, qui fait ou pas manger lion, c'est la copine à Maurice. Non. La cause de la canine. D'un seul hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bans animaux qui ont la canine avec zon, de griffer, nous pas gagnons droit, manger. Attention, quelqu'un de nous avec poule et la zone, nous dit d'ordine, poule pas reconnaître comme des animaux qui sont dans la zone, mais ils rentrent devant, volaille, ban qui ont volé, donc ils rentrent dans la catégorie oiseaux, et oiseaux nous gagnent droit, oiseaux nous gagnent droit à manger. Chers frères et sœurs, dès là qu'il est sur sallallahu alayhi wa sallam dit, et il parmi ban si qiyama, c'est qui ban si bar. Ban si bar, c'est quoi alors? C'est tous les animaux qui n'ont canine pas devant. Duquel les menaces. Je te cause avec du monde. Vous voyez déjà? Est-ce que mon PC vit je moi qui casse des bandes qui sont drôles pour arriver dans cette époque-là, l'os? Innaha amarat min amarat ibayna yadayhi sa'a. C'est parmi bansi qiyama que je vous trouve bans animaux qui n'ont canin cause avec bans du monde. Plus qu'il s'en encore, il continue à faire les dire quand au chaque rajoul. Pour arriver jusqu'à même ta dimon en yahrouja, il sorti de vous sur la carte, fala yahrouja, hatta tu haddata na'lahu wa sotahu ma ahdata al-akhluhu ba'da. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, chef frère, comment nous dit bien, un hadith qui trouve dans Sahih Muslim, parce que moi nous dit, est capable de penser, mais aujourd'hui lundi. Lundi, tout là, un peu fatigué, première semaine, il nous a un fond, nous reposer. Parfois, vous direz, il y a un hadith pour qu'il se sommeille. Il y a un hadith qui se sommeille ici. Tout parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu veux dire qu'il se sommeille. Parce que ce parole, oui. Mais seulement, il y a une petite chose qui est arrivée, mon esprit, paraît-il comprendre, la cause qui est capable d'éveiller avec lui. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam contient et dit dire jusqu'à pour arriver, ça dit monde qui saute sur la case, quand il retourne, Nahlavo, ce soulier d'Yali, ta famille, il fait ça quand elle quitte la case. Hadith qui sont de Sahih Muslim. Soulier, la Nahl, nous ça va. Nous quittons la case, nous allons quand nous retournons. Qui ça nous fait nous connaître qui est arrivé de nous la case? C'est ça, soulier-là, ça va, pas cher. Vous pouvez réaliser qu'il est pas arrivé là? Dans le même hadith qui lui fait nous connaître ce bande d'animaux là, peut causer le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, amen. Dans l'autre créature, si vous devant nous la porte, ou bien devant, pour nous dire le seuil de la porte. Pour nous dire, chers frères et sœurs, c'est pas une petite chose qui est arrivée, nous ne sommes pas pour comprendre, mais seulement être sûr, il faut partir de bonne, c'est qu'il nous vous gagnons ça même hadith dans At-Tirmidhi. Nous vous gagnons ça même hadith dans At-Tirmidhi, dans le chapitre. Ban Sibar, quoi nous dire, veut dire pour un quelqu'un qui allait lire la case, il gagne plus vite, il rentre tape tel midi, il met chapitre, qui chapitre il mettait, met bans animaux, veut dire qu'il y a canine, quand on arrive au moment de se poser. Nous vous retrouvons ça, ça hadith. Ça existe pour moi, on comprend, si ban situation comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire arriver. Est-ce qu'il est difficile de faire pour les terminer ça les mois, non? Vous voyez que déjà, tu as l'air de dire, mon frappe, pour vous guetter, ça de vous causer. Attention, je vais me prendre comme une moquerie. Mais comme vous pouvez guetter, je vais me récit qu'on voit comment vous causer. Mais le fait qu'il me prophète, il me dit comment vous causer. Chers frères, il vous causer, oui ou non? Il vous causer. Est-ce que mon esprit n'arrive à comprendre? Mon esprit pas me comprend. Mais est-ce qu'il est difficile pour savoir la terminer ça le monde? Non. Trop facile, vous lisez. Il est trop facile. Et dernier, pour un mantin qui est avec nous, chers frères, comment nous finir? Pour un mantin qui. Nous ne pas dire nous trouver drôle, oui, ça qui nous fait que tendre là. Scalaire, capable, nous ne pas dire qu'il n'est pas pour rentrer dans nous la tête, nous accepter lui. Dans nous lesquels il rentre, alhamdoulilah. Ça qui appelle iman. Mon prophète, il dit à m'accepter, même mon esprit pas arrivé, comprend. Mais c'est là mon esprit vous comprend, Inch'Allah. Peine à un dimoun qui déboute l'eau la terre, il voulait faire salat, il voulait faire namaz, il vous vient dans une seule direction. Kaaba. Malgré qu'il donne nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans une façon afin qu'il ne permette pas de difficulté aux personnes, il ne peut pas dire via direction Kaaba. Non. Parce que toi, pour essayer de gagner direct, il dit via direction Qibla. Fawalli wajhaka shatran masjid al-haram. Viens toi dans la direction masjid al-haram. C'est tout. Mais dis-moi, je viens dans la direction là parce que masjid al-haram, dans la direction là. Si tu viens nous via direction Kaaba, est-ce qu'il nous. Ça flamme plus long que Kaaba. Nous être sûr qu'il n'y a pas de direction Kaaba là-dedans, oui non. Sûr. Mais seulement nous dit une panne, viens nous, viens de direction Kaaba directement. Viens de direction Masjid al-Haram. Le fait qu'il m'a dit là-bas, il vient de la direction là. Sa place là, chers frères, c'est un djimoun, qu'il soit un miché, un madame, un namaz obligatoire, sunna nafil, il disait, viens de sa place là. Sa place là, chers frères, ou prend l'île depuis l'eau la terre, ou monte jusqu'à l'eau 7e ciel, il y a un pari comme ça là-haut. Ça qui nous appelle Baitul Mahmoud. Pareil. Ça c'est un ange qui fait ce tawaf. Quand nous faisons dire Kaaba, nous vous trouvons que si vous voulez faire ce nana film, vous trouvez si vous voulez garder Rosa, demain vous levez, vous gardez, vous voulez donner sadaqa, vous êtes capable de faire ce bon ibadat là. Mais seulement si c'est ibadat tawaf, qu'est-ce que ça vous a fait? C'est là-bas. De là, vous pouvez comprendre, sa place qui appelle Kaaba là, qui était ça. Chers frères et sœurs, imaginez-nous, sa prophète, qui quand tu peux gagner un tracas, à l'époque quand tu peux vivre vers Baitul Muqaddas pour lui faire namaz, Allah subhanahu wa ta'ala dit, viens vers direction Kaaba, lui fait nous connaître. Dans le hadith qui trouve dans Musnad Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, يُبَايِعُ لِلرَّجُلُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ pour une djimoun qui pouvait entre le coin de Kaaba et Maqam, veut dire Maqam Ibrahim, qui lui vient faire chef frères, excepté qu'il est venu pour lui casser Kaaba. Casser. Kaaba. Nous causons Kaaba. Chers frères et sœurs, pour moi, c'est une prière pour une haine du monde, pour venir pour casse. Première chose qui nous prend, comment y appeler? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Yuhribul ka'badu suwaikatayn » Ce nom ça. Pareil comment, tu es là dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu appelles « Dhu al-yadayn » Parce que vraiment, ce sahaba là, c'est un petit peu long. Ce n'est pas un nom qui nous donne comme ça. Pareil comme ça même, « Suwaikatayn » dérivé du mot « Saqa ». Saqa qui veut dire « Tibia ». La cause d'une titibia, des titibias, ce tibia, pas normal, comparé avec un dimoun. Ce tibia, tibia, ça, dimoun. Et il se cause ça, depuis Habasha, l'Éthiopie. Sa personne-là pour venir, chef presseur, l'Ipoukaz Kaaba, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fayukribounahu kharaba, l'Ipoukaz li, pièce par pièce, veut dire rose par rose, l'Ipou déchirer sur la toile. Mais elle est finie pour finir Kaaba. Elle est finie pour finir Kaaba. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit « La yuhammaru ba'dahu abada » Et puis la personne pour qu'elle parle à Rons Kaaba après des amis encore. Fini. Sa Kaaba là, chers frères et sœurs, est sur un zouli pour craser. Comment dit pour craser? Depuis un gigan qui sort de l'Éthiopie. Comment y appeler? Douce ou akatein? Comment vous pouvez mazin ce nom? Mazin, en langage arabe, tibia veut dire sacre. Digain li, depuis, il y en a deux. Ensuite, il y en a li tipi. Dans le langage arabe, quand nous disons un kitcho tipi, nous commençons par dhamma, souwa katein. Qui a été l'hypocras kaaba? L'hypocrasi, quand le kaaba, nous habitués trouve dans l'hypocras. Qui soit, veut dire ça, la toile là, l'immondée, le trouver brique par brique là, l'hypoutier une brique par une brique. Pas vous n'y mangez toute la masse là, lui. Il faut craser ça brique par brique. Et il faut déchirer sur la toile. Quand il finit craser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, La yuhammaru al-baytu ba'da hadmihi abada. Abadan veut dire zami. Zami pour une africaine pour capable réarranger un Kaaba. Kaaba vous finit, je vais. Kaaba, fini. Et donc, qu'est-ce que c'est qui fait tout le monde dans la tête? Qu'est-ce que tu fais tout le dans la tête? Mais fini, c'est ça. Personne ne va empêcher. Personne ne va empêcher. Viens faire ça. Parce que, si nous prenons d'une autre façon, est-ce que vous pensez que celui qui est dans l'imam va le faire ça? Vous voulez un café là? Mais si un café, comment il rentre dans ma carte? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il protège sa Kaaba là comme un fil, un éléphant. Comment se fait-il un seul qui s'appelle l'Ivinil Krasa? Première question, comment chaque fois nous pérez d'Yali, le fait qu'il sépare le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, veut dire ça peut arriver, oui non? Oui. Ça nous croyons. Quand nous guettons Kaaba à terre, nous guettons dans une vision le futur, un jour de phrase, bout pour bout. Non, mais Djali, ça veut dire, non, non, ça qui nous prophète d'une genou concernant toi. Et bout par bout, de quelle façon, pour déchirer toi, brique par brique, et pas pour y arranger toi encore. Chers frères et sœurs, parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, qu'après ça, pas pour une personne pour capable de réarranger Kaaba, parce que c'est à l'époque, pas pour une personne qui n'a iman, l'osa la fille, la fille, il y a l'air. C'est ça l'époque que pas pour une personne qui est là, Iman l'Olatir. À ce moment-là, qui ça prend place. Donc ça qui est avec nous, c'est quoi? C'est qu'il faut bien être dans l'époque que tout le du monde peut aller, peut aller. Et là-dedans, tout le monde croyant infini. Quand vous dites, ben non-musulman l'Olatir, à ce moment-là, qu'il y a cinq personnes-là qui peuvent faire cette action. Dites seul pour faire ça, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui précise, quand il peut dire, après ça, personne ne va vous réarranger, Kaaba. Qui fait? Parce qu'il n'y a aucun croyant l'eau la terre. Il n'y a aucun croyant l'eau la terre. Ça, chers frères et sœurs, en ajoutant avec Bansi qui nous fait citer auparavant, nous dit bien, c'est pas juste ça tout seul. Et là, encore Bansi, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui prédire, pour faire nous connaître, qui quand nous trouve sa banque de choses là puis approcher, c'est l'approche du jour qui mais seulement quand nous finir, et là-dedans qui nous fait vivre, Et là, là-dedans, ça qui nous fait une phrase, je dis, quand nous peut trouver drôle, mais seulement là, et en dernier, ça qui nous fait une cité, c'est parmi les dernières actions qui peuvent prendre place, l'eau salatée là, parmi les prières. Avant de terminer pour aujourd'hui, Inch'Allah, ça qui va avec nous, apporter l'autre semaine. Apporter l'autre semaine, Inch'Allah, chers frères et sœurs, nous pourrons, nous pas dire devant un grand signe qiyama. Nous appelons signe qiyama même. Qui fait, parce qu'il y a une action qui peut prendre place pour une bonne croyant là. Pour une bonne musulman là. Ensuite, ça qui nous vise à connaître encore, c'est quoi? C'est qui, chers frères et sœurs, malgré qu'il le semaine, comme introduction, nous vous réciterons, quand nous causons un signe qiyama, à partir de l'autre semaine, nous vous causons haine. Et d'ailleurs, nous commençons par lui-même, Imam Mahdi. Deuxième, Dajjal. Troisième, Isa alayhi salam. Sur la descente, Kutsa, Kuma, etc. Quatrième, Gog et Magog. Ya'juj wa Ma'juj. Cinquième, l'éclipse qui pourrait être un après l'autre, dans la terre. Ensuite, nous venons avec lever du soleil dans l'ouest. Veut dire que nous pouvons cause le lever du soleil dans l'ouest, nous finissons qu'on est à ce qui va arriver là. Mais seulement ça qui est avec nous, c'est faudrait nous prendre d'une façon. Être sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans aucun hadith l'Iban dit laquelle qui vient en premier, laquelle qui vient en deuxième, laquelle qui vient en troisième. Zamenin Jess. Oui. Nous redialis. Ban qui nous fait exciter là, Imam Mahdi, Dajjal, Isa alayhi salam, Gog et Magog. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans aucun hadith l'Iban dit laquelle qui vient en premier, laquelle qui vient en deuxième, troisième, quatrième. L'Iban qui met le tartib rend un après l'autre. Jamais le prophète dit ça. Mais l'Isis dit, à l'exemple des hadiths, Hudhaifa qui trouve dans Sahih Muslim, les dit, Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha ashra ayat. Jour qu'yama, pas pour arriver aussi longtemps, se trouve d'ici parmi eux. Fazakara ad-dukhan. Les dit, pour une grande fumée qui vous sortit. Wad dajjal. Wad daba. Daba, un mot qui nous traduit pour les animaux, au fait pour les animaux qui sont sortis de sa femme pour cause avec Bandimoun. Wa toulou rishams, wa nuzul Isa ibn Maryam. Les dix soleils pour lever dans l'ouest, Isa alayhi salam pour venir, wa ya'juj wa ma'juj, Gog et Magog. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui contient les dix, wa al-khusuf, et sa bande l'éclipse là, même sahaba, dans un hadith qui trouve dans Sahih Muslim, il dit, jour qu'il pas pour arriver aussi longtemps qu'il peine à l'éclipse. Il commence par ça qu'il cite dernier. Dans le premier hadith là, il cite l'éclipse en dernier. Dans le deuxième hadith, même Sahaba, il cite l'éclipse là, premier. Qui fait, chers frères et sœurs, juste pour nous comprendre, qui pas pour un rang là, un premier, deuxième, il est arrivé troisième, à partir de là, il rang là. Mais, ben, action-là prend place simultanément. En même temps, qui est capable, Risa alayhi salam, de descendre, Dajjal est fini d'arriver là-bas. C'est ça qu'il nous besoin de comprendre. Fini, canalise-nous de sa façon-là. À partir de la semaine, ben, si, qui nous commence à venir, pas dire comme ça, ça n'est la première, l'autre, la deuxième, troisième. Non! Nous, quand nous pouvons amener, Inch'Allah, nous vous causons tout le Imam Mahdi qui nous vous a connu. Nous vous causons tout le Dajjal qui nous vous a connu. Nous vous causons tout. Mais seulement pas mettre dans la tête qui en rend. Pas mettre dans la tête qui en rend. Parce que Imam Mahdi, quand il est venu, Imam Mahdi, quand il est venu, chers frères et sœurs, il est possible que Dajjal ne finisse pas arrêter la terre. Oui. Et Imam Mahdi finit prendre naissance. Dajjal ne finit pas arrêter. Et nous pouvons reconnaître qu'Imam Mahdi finit prendre naissance. Quand est-ce qu'il m'apprécie qu'on prend ça? C'est au fait, quand nous commençons à prendre chacun individuellement, qui Allah subhanahu wa ta'ala, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait nous connaître concernant eux. Ensuite, quand nous prenons eux séparément, de là qu'il nous parle trouve, il m'a dit un puzzle ça. Risa alayhi salam peut descendre là-bas, Imam Mahdi reconnaît-lui, le fait qu'il Risa alayhi salam là, Parmi ce bon action qu'il a besoin de faire, il a besoin de tuer Dajjal. Mais Dajjal, quand il a besoin d'être à l'os, il a besoin d'être à l'eau de la terre. Il faut aller comme ça. Il faut aller comme ça. Pour nous terminer, juste pour nous enlever ça de nous la tête, pour nous terminer pour Azodji, et Inch'Allah l'autre semaine, nous reprend introduction là, nous amener, juste pour nous enlever ça, rend là de nous la tête, chers frères et sœurs, c'est Hadith. Un homme Hadith. D'ailleurs, nous revenons avec lui quand nous faire concernant lui-même. C'est comme un sahaba vini djaya Rasulallah. Nous perdons l'ouen l'île. Nous trouvons un djimoun. Quel combien coûte nous perdons djimoun? Quand on appelle djimoun, insan. Nous trouvons un djimoun qui n'a saisi, se dégenou devant, se délamé devant, l'inattassé avec la scène. Se sévé long. Ya Rasulallah, il peut demander, c'est pas ton fini, vine la terre. Nous ne pire que nous ne gâtons. Et oui, sallallahu alayhi wa sallam, qui est-ce que j'ai dit? Je dis oui, t'es venu. Qui est-ce que j'ai dit? Certainement, je ne trouve Dajjal. Certainement, je ne trouve Dajjal. Chef Ressé, Dajjal, l'eau la terre, quand tu étais là, oui, non? Il l'eau la terre, là. Il l'eau la terre. Vive avec cette semaine à terre. L'eau sale la terre qui nous était là, là, banna peut elle trouver, puis elle dans la mer. Je peux elle trouver, je ne sais pas qui étoile dans l'espace. Dajjal l'a fait, mais je ne vais pas trouver. Mais j'ai bien trouvé. Je ne viens, je ne rapporte ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans que je ne connaisse, c'était qui ça là, et en retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, c'était lui-même, Dajjal. Ça, juste pour moi, le comprendre, qui, quand ça va une action là, pour là, ce n'est pas une question de rang. Ça n'a la première, mardi premier, deuxième, il s'allait ça. Pas rang. Si tu rends, il fait Dajjal une première, cette fois là. Non, chers frères et sœurs, c'est une action qui vous prend plein. Allah subhanahu wa ta'ala de ce principe, infini metli, qui s'en a qui pour prendre naissance, qui s'en a déjà là, mais seulement l'action là, il faut venir, comme on nous dit, un puzzle, quand on joue tout ensemble, on trouve ça là, quand il a l'autre là, la base de la vie, ça là, tu es l'autre là, la vie continue, l'autre peuple vient pour faire du tout, Allah subhanahu wa ta'ala élimine Zut, Isa alayhi salam continue vivre, il est mouillé, il a fait Hajj, il a fait Umrah. Ensuite, les mots, banna en TLI, et ensuite, y aller comme ça. Y aller comme ça. Et non, on va nous penser, Mardine vini, sur l'histoire terminée. L'autre vini, sur l'histoire terminée. Non, il n'est pas de sa façon-là. Donc, quand nous tient ça, alhamdoulilah, de nous la tête, c'est pour ça qu'il nous dit, Inch'Allah, pour cette semaine, nous vous prenons un par un, individuellement. Ensuite, le nom, nous vous guettez, côte ça, chacun pour croire avec chacun. Côte ça, chacun pour jeune chacun. Nous donne un dernier exemple pour nous terminer. Être sûr qu'il d'adjal, pas vous trouver Gogi Magog. Être sûr qu'il Dajjal va te trouver Gog et Magog. Mais comment on connaît ça? C'est pas moi qui connais ça. C'est quand on vous guette Hadith, quand nous pouvons apprendre, Inch'Allah, Rasoul Isa alayhi salam, il tue Dajjal. Et quand il retourne de Madina, il cause avec son compagnon, il fait cause avec Banla, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh Isa, pas encore fini. Et il y a un peuple qui peut venir pour faire du tout, prends Banla monte montagne. Qui est-ce qui vient? Gog et Magog. Juste depuis ça, des Hadiths là, qui nous finit comprendre? Le fait qu'il a déjà l'infini mot. Ensuite, qui? Gog et Magog. Est-ce qu'ils ont pour croiser à l'os? Ils n'ont pas pour? Ils n'ont pas pour croiser. C'est de cette façon-là qu'Inch'Allah, après la semaine, nous vous guettons. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.